Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Il s'agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le podcast qui vous parle d'un film par jour. Et aujourd'hui, je vous présente Halloween de Rob Zombie. You haven't said a word for 15 years. This summer, Rob Zombie unleashes a unique vision of a legendary tale. Listen, be careful tonight. A lot of nutcases come out on Halloween. Donc Halloween, c'est un film réalisé par Rob Zombie qui est principalement connu pour ses deux premiers films, à savoir La Maison des Mille Morts et The Devil's Reject. Donc pour connaître un peu l'univers du monsieur, c'est-à-dire que c'est souvent des films assez éprouvants, voilà, où il y a pas mal de violences qui sont la plupart du temps interdits aux moins de 16 ans. Pour ceux qui ont vu Ghostland, d'ailleurs, quand les deux filles et leur mère arrivent dans la maison, il y a une des deux filles qui fait une vanne du genre « Putain, pourquoi personne m'a dit qu'on allait habiter dans la maison de Rob Zombie ?» Parce que la maison, elle est ultra glauque. Voilà, voilà, c'est un peu pour connaître l'univers du monsieur. Cette version d'Halloween, c'est bien entendu le remake du Halloween, le fameux Halloween de John Carpenter, sorti en 78. Mais c'est une version d'Halloween radicalement différente, déjà parce que ça dure beaucoup plus longtemps. On est sur une durée quand même de presque 2 heures et de 2 heures pour la Director's Cut contre 1h30 pour la nuit des masques, donc il y a facile 20-30 minutes en plus. C'est également beaucoup plus proche du style de Rob Zombie que de celui de Carpenter, en même temps c'est logique. Et donc qui dit beaucoup plus proche du style de Carpenter dit forcément beaucoup plus violent et beaucoup plus gore. Voilà, la nuit des masques. Moins de 12 ans, Halloween, enfin de Rob Zombie, moins de 16, voilà, comme j'ai dit, il y a beaucoup plus de violence et de gore, ça correspond au style de Rob Zombie, quoi. Alors, il faut savoir que moi, la saga Halloween, j'ai pas tellement vu de films. J'ai vu La Nuit des Masques, donc de Carpenter. J'ai vu la suite de ce film, donc qui est sorti, la réadaptation de la suite qui est sortie en 2018, il y a 2 ans, où Michael Myers s'évade avec une Jamie Lee Curtis qui reprend son rôle de Laurie Strode très très âgée. Et donc j'ai vu ce remake, voilà, de Rob Zombie. Et je dois avouer que je ne sais pas quelle version j'ai préférée. Vraiment, je ne sais pas. Parce que il y a quelque chose de vachement intéressant dans la version de Rob Zombie, c'est qu'on s'attarde beaucoup plus sur l'enfance de Michael Myers. C'est-à-dire que on va chercher à expliquer son comportement. Ça s'intéresse beaucoup aussi au profil psychologique. Donc il va être dans un hôpital psychiatrique où il ne va pas dire un mot pendant 25 ans. Mais on essaye quand même de s'intéresser au personnage, quoi. Histoire de dire pourquoi il fait ça, pourquoi c'est un serial killer, pourquoi il tue, et surtout pourquoi à son jeune âge, voilà. C'est ça que j'ai beaucoup aimé par rapport au film de Carpenter. C'est-à-dire que dans le film de Carpenter, on a une scène avec Michael Myers enfant, c'est la scène du début. C'est la scène du début en vue subjective où il tue sa sœur. Ensuite, c'est un saut dans le temps. Et Michael est adulte, il n'est plus un petit enfant. Là, on a vraiment une grosse partie du film qui va s'attarder sur l'enfance et qui va être vachement intéressante parce qu'il ne va pas que s'attarder sur le rapport de Michael Myers à sa famille, contrairement à la scène dans La Nuit des Masques, mais aussi le rapport de Michael Myers au monde, par exemple. On sait qui s'amuse à tuer des animaux, qui tabasse ses camarades dans les bois, enfin voilà. Il y a aussi ce côté psychopathe qui tente d'être expliqué par le rapport de Michael Myers au monde, et j'ai trouvé ça vachement intéressant, et je trouve ça même dommage que ça soit pas dans la version de Carpenter. Alors Carpenter a dit que ça désacralisait un peu le mystère autour du personnage de vouloir expliquer. D'ailleurs, il y a eu une embrouille entre Carpenter et Rob Zombie, puisque... Rob Zombie a dit que Carpenter n'était pas hyper chaud pour qu'il fasse le remake de son film. Sauf que Carpenter a dit, bah en fait c'est faux. Enfin, il a dit, je sais pas pourquoi cette petite merde a dit ça. Voilà, il a dit, je ne sais pas pourquoi cette petite merde a dit ça. Je lui ai dit, mec, fais ton film si tu veux. Moi, je m'en fous. Voilà, fais ton adaptation. Donc bref, de base il était pas contre, mais il y a eu quand même il y a eu des embrouilles entre les deux. Donc voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas qui ment dans l'histoire, mais du coup il y a forcément un menteur. Les deux ne peuvent pas avoir raison, c'est clair. Alors bien évidemment, il y a quelque chose qu'on est obligé d'aborder quand on parle de ces deux films, la différence, surtout la différence de budget. Parce que oui, y a très peu d'effets, d'effets gore, d'effets spéciaux dans le Halloween de Carpenter. Donc du coup, le budget s'élève à 325 000 dollars. Alors que pour celui de Rob Zombie, on est plus sur du 15 millions. Voilà, environ 15 millions de dollars. Donc forcément, c'est pas rien. Et ça permet de faire plus de choses. Voilà, ça permet à Rob Zombie de faire plus de choses. Mais ça n'excuse rien. Je pense que Carpenter aurait pu débloquer des fonds. Alors bien sûr, il n'y avait pas les mêmes moyens, puisque le Halloween de Rob Zombie date de 2007, celui de Carpenter de 78, donc c'est compliqué. Mais je pense que c'était tout simplement pas la volonté de Carpenter de faire un truc gore. C'est dommage parce que pour le coup là je trouve que ça se prête beaucoup aux personnages. Personnellement, dans La Nuit des Masques, j'ai plus trouvé Michael Myers ridicule qu'autre chose. Voilà. Après ça c'est personnel, c'est-à-dire qu'un mec qui se fout à côté d'un étendard à linge et qui se dit « on me voit pas, je suis invisible », moi je trouve ça ridicule, voilà, personnellement. Après voilà, hein, c'est chacun ses délires, moi je n'ai pas eu peur, et surtout je l'ai pas trouvé réaliste, enfin, c'est-à-dire que, bon, hormis le fait que Michael Myers peut se manger 72 balles dans le cœur, plus un coup de couteau dans la tête, plus une bombe nucléaire, il ne mourra pas. Ça, c'est parce que le personnage est mystique, c'est parce que je sais pas quoi, enfin bref. Voilà. Dans Halloween, la nuit des masques, on vous fout un coup de couteau dans le ventre, vous mourrez sur le champ, genre vraiment sur le coup, comme ça. Vous êtes mort. Alors que dans Halloween de zombies, bah quand on vous fait un coup de couteau, bah vous avez le temps de ramper par terre, de vous vider de votre sang, et après de mourir. Voilà, parce que ça c'est la réalité, c'est-à-dire que si on vous fait un coup de couteau dans le ventre, vous mourrez pas sur le coup. C'est, non, ce n'est pas une balle, c'est pas une balle de pistolet. Voilà, tout simplement, ça m'a... Bon, j'ai trouvé ça plus réaliste, et au moins Michael Myers, bah, fait un minimum peur quoi dans Halloween de zombies. Contrairement à La Nuit des Masques. Après, dans les grandes lignes, ça reste comme le Halloween de Carpenter, c'est-à-dire que c'est un slasher. C'est Michael Myers qui va chasser Laurie Strode, qui va tuer plein d'ados la nuit d'Halloween. En termes de réalisation, j'ai pas vraiment fait attention. Je pense que j'étais plus basé sur les différences entre les deux films, notamment au point de vue scénaristique, mais je garde un très bon souvenir de la réalisation, voilà, quelque chose d'intéressant, de bien fait, mais peut-être un peu classique, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que Rob Zombie, c'est une très bonne chose qu'il ait fait ce remake. Il réutilise bien évidemment la musique du Halloween de base qui reste iconique et qui sera à tout jamais associé à Halloween, et j'ai l'impression que c'est peut-être impossible de faire un Halloween sans utiliser cette musique, la musique de Carpenter. Ce qui est intéressant aussi, c'est les meurtres en eux-mêmes, parce que ça va être mis en scène différemment, c'est-à-dire qu'il y avait déjà de l'inventivité dans les meurtres de Carpenter, mais Rob Zombie reprend ces meurtres-là, et il les fait à sa sauce, donc ça rajoute encore plus d'inventivité. Je pense notamment au fameux fantôme, voilà, quand Michael Myers se déguise en fantôme. Ça, c'est quelque chose qui a été repris, et Rob Zombie y met sa sauce, et ça donne quelque chose de vachement intéressant au niveau mise en scène, parce que voilà, les deux, Carpenter comme Zombie, savent parfaitement amener les meurtres. Au niveau des acteurs, je trouve ça plus crédible. Bon, évidemment, Jamie Lee Curtis, pour moi, sera irremplaçable en Laurie Strode. Après, pour l'interprète de Michael Myers, qui s'appelle Tyler Mane, il y a quelque chose que Carpenter n'a pas du tout aimé, c'est le fait qu'il soit beaucoup trop grand et beaucoup trop imposant pour le rôle, alors que bah pour moi bah, c'est bien qu'il soit grand et imposant, parce que du coup bah il fait peur, et c'est un peu le but de ton film quoi, c'est un film d'horreur, donc voilà, pour moi je ne suis pas d'accord avec John Carpenter sur ce point. Après bon, je ne sais pas, je ne suis pas d'accord. Après, je ne dis pas que ma parole vaut plus que celle de John Carpenter, c'est quand même son œuvre, c'est quand même, c'est lui qui l'a fait, donc s'il pense que c'est ça, Je pense qu'il a ses raisons. Toujours est-il que je ne suis pas d'accord et que je trouve que c'est une bonne chose. Et que ça quand même démystifie un peu le mythe de Michael Myers. Enfin, Michael Myers même en lui-même. Et que du coup, ça le rend quand même plus flippant. Et pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Pour ceux qui seraient fans de Xavier Dolan, dans la version québécoise, il fait une voix. Après, ne regardez pas les films en version québécoise, c'est vraiment un gâchis. Il y a aussi une actrice que j'aime beaucoup, c'est Hannah Hall. Qui joue dans Virgin Suicides notamment, qui joue Cecilia Lisbonne, donc la plus petite des sœurs, qui joue dans Forrest Gump aussi, et qu'on retrouve dans le rôle de Judith Myers. Alors bon, le film c'est 8 ans après, mais si on fout les deux films à côté, c'est vraiment le rôle le plus opposé, voilà, clairement, c'est le plus opposé. J'ai trouvé ça aussi intéressant de relever que c'est Sherry Moon Zombie, donc la femme de Rob Zombie, qui joue la mère de Michael Myers. Je sais pas pourquoi ce choix, je sais pas, enfin, oui, bon, bien sûr, parce que c'est sa femme, mais je sais pas si s'il l'avait en tête, ou si, faute de mieux, il l'a pris, ou voilà. Mais dans tous les cas, je la trouve très convaincante, et je pense que c'est une bonne chose qu'elle soit là, voilà. Donc voilà, si vous avez vu La Nuit des Masques de Carpenter, n'hésitez pas à regarder le Halloween de Rob Zombie, parce que ça propose une version à la fois différente et à la fois similaire, voilà. Si ce n'est le fait que le film de Rob Zombie s'intéresse beaucoup à l'enfance et à la psychologie, globalement, ça reprend à peu près les mêmes choses, voilà. Globalement, ça reprend les éléments qu'il y avait déjà dans le film de Carpenter, mais ça la fout à la sauce Rob Zombie. Alors si vous aimez pas les films de Rob Zombie, ça va être compliqué de voir ce film. Mais voilà, moi je trouve que c'est une extrême bonne chose qu'il ait fait ce film Rob Zombie, et j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez regarder ce film, il n'est dispo sur aucun service de streaming / VOD en France. Par contre, il y a, en faisant mes recherches, j'ai vu énormément de personnes qui l'avaient mis en entier sur YouTube. Donc vous pouvez le retrouver sur YouTube, je crois qu'il y a même des versions Director's Cut sur YouTube. Donc voilà, il y en a beaucoup, c'est assez complet. Donc vous pouvez totalement le regarder sur YouTube. C'était tout pour moi, voilà, j'essaye encore une fois de varier. Hier, j'ai proposé un film d'animation pour toute la famille. Là, je propose un truc un peu plus gore et un peu plus violent. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et pour ma part, je vous dis à demain pour une nouvelle recommandation.